Gertrude, est-ce que Rénal t'a parlé de son voyage à Paris? Il n'a jamais... C'est ça, à chaque fois, moi, ça me surprend. Oui, parce que il fait un voyage, moi, mais il n'a jamais son voyage d'aller à Paris. Il arrive avec des belles images dans sa tête, puis il nous raconte des choses comme si c'était un Fred Pellerin de sa propre personne, ou un narrateur, acteur, et puis il n'a pas peur de dire les mots exacts. Et puis aussi, cette année, en 2022, il s'est trouvé une belle phrase. En fait, il s'est accaparé une phrase que l'on connaissait déjà. Tout ce qui est à Las Vegas reste à Las Vegas. Mais lui, c'est tout ce qui se passe à Pigalle, à Montmartre. Tout ce qui se passe à Montmartre reste à Montmartre. C'était intriguant. On aimerait tout ça savoir. On aimerait tout ça creuser, cette histoire-là. Puis là, quand tu t'en vas là, en 2022, c'est pas comme en 2019, là. Tu dois te préparer là-bas à envoyer tes fiches signalétiques. Tu es qui? T'as-tu des puces? T'as-tu une maladie rénaldienne? Vas-tu transmettre quelque chose là-bas, tu sais? Puis si oui, on veut ton adresse, on va aller te piéger, on va aller te capter, on va aller te chercher pour t'extirper de cette société. Puis te mettre dans une cage avec les rats de laboratoire pour t'examiner. Qu'est-ce que tu nous as amené là-bas, toi, là, hein? Qu'est-ce que tu as comme maladie? Moi, j'ai une maladie, une grosse maladie devant moi, la maladie d'amour. Oh, la maladie d'amour, elle court, hein? Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans, ben oui, la maladie d'amour, t'as pas ça, toi. Quoi, t'en as de l'amour à donner, t'en donnes, t'en vends même pas, t'en donnes. À Pigalle, ils en vendent, pis toi, t'en donnes. Tu vois pas une maudite scène avec ça, tu vas dire... Regarde-moi la face, regarde-moi le visage, de quoi ai-je l'air? Pourquoi partager de l'argent liquide quand l'amour n'a pas de prix? C'est très bien dit. On est souvent, hein, on a la gorge nouée, le portefeuille aussi, il ne veut plus sortir de notre poche. Oui, comment ça coûte, madame, pour vos services? Il y en a de moins en moins en 2022, hein, des paris pathéticiennes. Où vous êtes, là? Vous vous êtes cachés? Vous avez peur? Est-ce que c'est ma barbe qui vous fait peur? Voyons donc! Je vais me la tailler! Je parle de ma barbe, ça me dérange pas, moi, je vais me la tailler. C'est comme vous voulez. Où tu iras, j'irai. Non, je ne suis pas Alain Bouchon, madame. Non, je ne suis pas Alain Bouchon. Je suis Rénald Bouchonné, très Bouchonné. Il s'est passé des affaires là-bas, ma putain. C'était pas compliqué d'y aller. C'était le retour. Parce que j'avais pas rempli la feuille. Je pensais pas qu'il en fallait une feuille, moi, ici, là. Hein? Oui, c'est Rénald qui parle maintenant. Oui, c'est pas sa voix. Non, OK. Il va nous revenir. Mais non, mais ils lui ont pas dit. C'est vrai, c'est... Non, je ne mets pas Renal, c'est un personnage. Ils lui ont pas dit là, qu'il fallait remplir en France. Tu sais, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de prix cinématographique. Oh non, on n'est pas en 16.9. Ni Dolby Surround Digital. Ah, mon... 4K, tu veux rire? C'est pas 4K, c'est un cas grave. Parce que là... Quand tu arrives à Paris pour t'en venir au Québec, à Québec pour être précis, parce que c'est la belle ville de Québec, que l'on aime tant, avec Didier Raprus, Jean-Marc Rubin et les amis du conserve meuleux. Là, c'est vrai, quand tu parles, on dirait qu'on comprend rien. C'est peut-être une salle, peut-être un comédien qu'on connaît pas, il est mort, tu sais. On me parle à moi comme si j'étais au courant de toutes les activités créatrices françaises. quand j'arrive avec nos fondateurs, pas nos fondateurs, mais aujourd'hui, nos grands intellectuels culturels, par exemple, Robert Lepage, pas grand monde qui le connaisse là-bas, hein? À part une petite clique. Puis quand la clique déclique, là, moi, je m'enlise, là. Je m'enlise et puis je commence à leur en parler de ce merveilleux projet. Puis le diamant, c'est merveilleux. Les pièces sont incroyables. Et puis là, j'arrête pas. Je suis un moulin à image. Non, à parole. Ah oui. Parole. Je suis là à parler. Et donc, là-bas, je prépare mon retour là, en disant à mes proches, vous êtes très loin, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, c'est une petite chanson de Ginette. Notre petite Ginette Renault qu'on aime. Et puis donc, ouais, c'est ça. C'est que là, moi, j'étais préparé là, pour aller là-bas. Fait que j'ai envoyé l'euro information, l'euro identité, où j'habite. Est-ce que je suis un extrémiste, un fédéraliste, ou un péquiste? Je dis, ben, je suis un gars de gauche, moi. Moi, je suis de la gauche un peu gaucharde. J'ai un dialogue séparatiste. Et puis, je suis pour une langue que je ne maîtrise pas, qui est le français. Je suis contre une langue que je ne connais pas, qui est l'anglais. Et puis là, ben, il a passé le commentaire, ces 3-4 lignes, là. Il donne même pas de paille avec ça. C'est bien beau mettre 3-4 lignes. Quand il n'y a pas de paille, qu'est-ce que tu veux faire? Ben parce que tu veux le pousser. Tu veux les enlever, les lignes de trop. Pas capable. C'est parce qu'ils m'ont dit, c'est monsieur, vous avez l'air. Ben j'étais en mieux si j'ai l'air. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas sa note. Là, si vous me dites que j'ai l'air, tant mieux. Non, vous avez l'air d'un idiot. Ah, mon vive Dostoïevski, Dostoïevski, en tout cas, celui qui a fait l'idiot de Dostoïevski en hiver, en bas de la pente, parce qu'il voulait pas se casser à gueule, lui. Dostoïevski s'est dit, comme je n'ai jamais pratiqué ce sport, non, c'est pas l'écriture, c'est le ski. Dostoïevski, la comprends-tu? L'idiot! Non, elle comprend rien. Elle est bouchée. Et comme mon vin que j'avais acheté là-bas. Excusez-moi, je vais vous raconter l'histoire. Bon, certains me diront que je suis un farfelu. C'est vrai. Comme disait un autre humoriste que j'adore aussi, je suis un farfadet. Mais, en parlant de farfadet, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est passé tellement d'affaires que non, parce que j'ai pas le goût de... Non, je veux aller ailleurs. On a le droit d'aller partout. Ben, y en a donc. Depuis quand on nous dit on peut pas aller partout? Fait que là, c'est vrai, on va revenir à Pigalle. Moi, j'ai déambulé, tu sais, comme le gars, là, tout un genre de Frank Sinatra, mais à la barbe, là, tu sais. En fait, j'avais l'air d'un itinérant culturel. J'ai rien contre les SDF, au contraire, c'est mes amis. Même, vous savez que moi, quand je prends l'avion, je choisis le côté, bon, si vous connaissez, tant mieux, c'est option plus. Parce qu'on nous donne une couverture, tout ça. Et puis moi, quand j'arrive là-bas, à Paris, je remets une couverture à quelqu'un que je rencontre, un SDF. Et c'est vrai, tout à fait vrai. Et ça fait 5 ans que je fais ça. Parce que là, j'ai tellement de draps ici. Parce qu'il n'y a pas... Non, ouais. Je vais vous dire la vérité. C'est que c'est vrai qu'on donne aussi des draps, mais... À une certaine époque, on remettait un petit pétillant lorsque l'avion était monté, tu sais, histoire de fêter le fait qu'on n'est pas tombé. On est dans les airs. Là, l'hôtesse de l'air, hein, pardon? L'hôtesse de l'air, ça se dit plus, hein? Ben non. Un agent de bord. L'agent de bord était sur le bord de me dire, « Monsieur Grenier, vous êtes formidable. » Mais là, c'était pas à moi qu'elle parlait, parce que moi, c'est pas grenier. Ben non! Gaétan Ouellet, voyons donc, toi, mon farfadet, mon triple triporteur, mon scandale à roulette, tu t'en souviens plus? Non, ben lui, là, en fait, c'est comme bien du monde. C'est pas, il est pas tout seul sur sa planète, là. La majorité... Hey! Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, ça fonctionne à rebours, cette affaire-là. Hey, mon Dieu, moi, je fonctionne à l'amour. Chacun son clan. Chacun sa rue. Chacun son port. Chacun son navire. Même si on ne va pas dans la même direction, un jour, nous arriverons dans le même quai pour nous rencontrer, nous parler, fraterniser, peut-être même s'aimer. Ad vitam populum. Aucune chance avec elle, je l'ai prévenu. Mais veut essayer quand même. Il est têtu. Il ne veut pas des mecs qu'on sait, me sourit d'un air entendu. Puis s'en va recevoir sa peine, le cœur léger, la joue tendue. Il ne m'écoute jamais. Il fait ce qui lui plaît. Quand encore ne connaît ni remords ni regrets. Inutile de le mettre en garde, il tend les bras. Il trouve ce monde si désirable. Il n'attend pas. Il tient les serments, les promesses. Vaut de l'or pur, vaut de l'airain. Trahi, il en tombe sur les fesses. Mais pense plus le lendemain. Il ne m'écoute jamais. Il fait ce qui lui plaît. Quand encore. Qui se lève, se frotte les mains. Il a battu de la lumière, même dans les coins. Il se jette la tête la première, sans hésiter, sans prendre soin. Ne glisser un œil en arrière, pour voir s'il connaît le chemin. À lui parler. Au matin, c'est lui qui m'enterre pour la journée. Il ne veut pas de mes conseils, me sourit d'un air entendu. Oui, ça va recevoir sa peine, le cœur léger, la joue tendue. Ni remords, ni regrets. Ni remords, ni regrets. Ni remords, ni regrets. auberges de jeunesse. Ah, oh, j'adore ça, moi. Hey, tu peux être jeune à 70 ans, puis c'est pas toutes les auberges de jeunesse qui acceptent les gens qui sont en haut d'un certain âge. Mais mon endroit, moi, que j'aime bien, accepte les familles, les papis, les tontons, les poupous, les nounous, les marous, les stardos. One morning, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, accepte tout le monde. Eh bien, il faut être bien, là. Donc, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est comme ça. Et puis, moi, je vais depuis 14 ans dans le même établissement. J'adore, je connais tout le monde et c'est ça qui est plaisant. Tu rentres là, tu dis, ah, vous êtes encore ici. Non, mais ils disent pas parce que sinon ça fait bizarre, vous êtes encore ici. Ah, oh, c'est vous, on vous attendait. Souvent, c'est ça. Je peux pas prendre l'accent français, je l'ai pas, moi, les accents. Puis, il y en a une que j'ai rencontrée, elle est bonne en Saint, s'il vous plaît, mais je voulais pas non plus y dire. Parce qu'ils se complaisent, puis là, ils continuent à faire comme l'accent, mais elle avait, disons, en pourcentage, là, à 65%. Mais là, c'est pas d'elle qu'il s'agit, c'est que l'auberge de jeunesse accepte, dans la mienne, dans le mien, tous les âges. Ou presque. Non, mais si tu te prépares là, à te décomposer, ça me surprendrait, là. Oui. Il faut être une entité. Une seule personne. À l'intérieur, vous pouvez être plusieurs, ça, c'est pas important. Et donc, moi, quand j'ai réservé, je voulais avoir une chambre de trois. Ça coûte pas cher, je te dis, ça coûte pas cher. Hey! Jeune fille. Monsieur. Mademoiselle, jeune demoiselle, ça coûte pas cher. Mais en plus, cette année, ça m'a encore coûté moins cher. Si je te dis 305$ pour 10 nuits. 10 nuits, 305$. Qu'est-ce qui s'est passé? On va vous le raconter. J'arrive là-bas, vois-tu, avec mes... Mais moi, j'ai pas beaucoup... Moi, je suis pas comme... Quand tu vois passer des filles rentrer là-dedans, ils ont 3-4 valises avec des roulettes, puis là, ça rentre mal, puis tu sais, il y a deux séchoirs, il y a des vêtements, il y a des vêtements de soir, de jour, il y a de la pommette, tu sais, il y a plein d'affaires. Ils ont comme amené leur chambre dans leur valise. Tu sais, il y a 4 sortes de pain, il y a des rouleaux plats, je sais pas, je connais pas ça, là, des fers plats, puis tellement de trucs que ça en devient ridicule. Tu sais, tu t'en vas là-bas. Bon, si c'est pas pour te trouver un mec, pour avoir la citoyenneté, ça fonctionne plus. Non, mais je l'ai demandé, moi, parce que j'étais il y a trois. Ben, à l'époque, là, ben, à l'époque, en juillet, j'étais arrivé. Ben, ça faisait 3 jours que j'étais là. Puis il y a un invité qui s'est pas présenté. Tant mieux! Non, mais parce que j'ai eu tellement d'invités cette année, j'en ai. Ben, 2022-2023, là, c'est mon plus haut quota d'invités. J'en ai eu 46. Et sur 46, il y en a eu 42 qui se sont présentés. La première l'a complètement oubliée. Puis là, ben, elle va venir à Québec là, prochainement. Puis elle veut que je la rencontre. Je dis, moi, ça ne me dérange pas, mais tu ne seras pas présenté avant 2023. Fin 2023, tu sais, automne 2023. Puis l'autre, c'est parce que c'est mon ami Abdel, que je nommerai pas de son nom, mais son prénom Abdel. Il m'a dit... Rénal, parce que là, je lui ai envoyé un message, il devait être là, puis là, ça n'a pas fonctionné, je m'en vais dans ma chambre. J'ai pas de téléphone intelligent, je vous l'ai dit depuis le début, moi, c'est un flip-flop. Bon, fait que si je veux avoir accès à Facebook, je dois m'en aller dans ma chambre d'hôtel, ben, mon auberge de jeunesse, qui est tout près. C'est pour ça que je veux rester, tu sais, dans la rue des Abbesses, dans ce coin-là. Si je m'en vais là-bas, ça me prend 2 minutes à pied, parce que je marche vite, hein, s'il vous plaît. Si je veux avoir un invité, là, puis il est l'heure, puis il est dépassé l'heure, là, je cours dans mon auberge de jeunesse. Puis là, il y a tellement de monde. Et là, c'est bondé là-bas. En tout cas, cette année, là, c'était bondé, bondé, bondé de monde. Les hôtels étaient pleins. Les restaurants étaient pleins, mais les théâtres étaient vides. Les théâtres, les salles de spectacle, c'était vide. Les gens ont peur de se trouver dans un endroit clos. C'est très dommage pour nos artistes, même québécois. Hein, j'ai parlé avec une comédienne mercredi dernier, puis elle me dit que c'est bien beau de monter des pièces puis se donner à fond, mais quand il n'y a personne qui est au rendez-vous. Mais moi, j'ai comme amené comme idée, pourquoi pas continuer le spectacle, soit au théâtre, okay, soit se rendre ou voir ça à la télé, sur notre écran cathodique. Mais c'est vrai que c'est un très mauvais pli. Un très mauvais pli, mais en même temps, pour tranquillement amener les gens à aller au théâtre, il faudrait sans doute continuer ce fil Ariane entre la maison et la culture théâtrale qui se trouve dans les théâtres. C'est juste une petite idée comme ça. C'est gratis, Mme Tremblay. Ah oui. Moi, mes idées sont toujours gratos parce que je me dis, ça vaut peut-être quelque chose, dépendant pour qui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il disait, lui, donc, l'histoire? L'histoire vient de se terminer. L'idée vient de tomber. On cherche et on ne trouve pas. Ouais, attends un petit peu. Je disais que... Raymond, tu peux pas... Non, en arrière, non. C'est une femme qui est toujours positive. Non, faut regarder en avant. T'as raison. Les accidents, c'est comme quand... Hein, c'est au moment où tu te retournes pour voir ce qui s'est passé. Puis là, il y a des affaires, là, en avant. Droit devant toi, il y a des affaires. Fait que oublie ce qu'il y a. Quoi qu'il faut avoir un angle partout. Moi, le 360, j'aime bien ça. Tu sais, j'ai rien contre, là, le film Exorciste. Faut que ça tourne. 360, de partout, ça. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait dire là-dessus, donc? Ah oui, puis en tout cas, moi, mon hôtel, c'est ça, accepte tout le monde. Et puis, j'ai pas payé cher. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une petite erreur. Pas de ma part, mais de leur part. C'est qu'ils m'ont placé dans une chambre de 3 pendant 4 jours. Puis après ça, ils m'ont dit que c'est là que le bas blesse. Je veux pas grave, moi, mes bas, j'ai deux paires de bas, madame Chose. Mais là, c'est pas Madame Chose, c'est Madame Troublante. Madame Troublante, parce qu'elle est troublante. Elle te regarde avec ses yeux. La hard-taquette de mon auberge de jeunesse. Je l'ai vue à 4 reprises, là, après. Puis, ouf, toujours le même. Et puis, mon scooter fait pas ça, lui. Maintenant, il est électrique, pas de bruit. Mais elle a fait... Là, elle me dit comme ça, elle dit, c'est moi qui ai fait l'erreur. Bon, madame, il n'y a pas de problème. Là. Nous sommes des humains. Heureusement qu'on fait des erreurs. Tu sais, je l'ai comme calmé un peu son... Parce qu'elle pensait que j'allais dire, ah, mon Dieu, c'est pas ça que je veux avoir une chambre gratos. Mais pas du tout. Là, elle me dit, il y a une chambre de 6, vous allez être là 5 jours, puis... Après ça, vous allez retourner dans la même chambre pendant le reste de votre voyage. Puis, mais il y a un dédommagement qu'on va vous offrir. Puis vous pouvez choisir le contraire. Là, vous pouvez changer n'importe quand, mais voilà. Là, elle me dit tout ça. Hey, j'ai 65% de rabais. Ça m'a coûté 3 fois rien pour rester à Paris. Là, je voyais tout ça, je me disais quand elle me parlait. Je dis, hey, cet argent-là, je vais la prendre pour bien manger. Puis j'avais déjà un montant pour la nourriture, mais là, ça augmentait, hein, ma qualité de nourriture. Puis aussi de vin, parce que là, j'allais dans les 5, 7, 8 francs. Euros, excusez-moi. Hey, Madame Tremblay, non, je suis pas... Excusez-moi. Je pense en Belgique. En Belgique, c'est des francs, mais moi, je suis en euros. Fait que, c'est ça, moi, j'avais 6-7 euros. Mais là, quand j'ai vu que ça allait diminuer ma note, j'ai augmenté la qualité de mon vin. Je prenais une bouteille par jour. Mais comme il n'y a pas le produit, vous savez le produit qui donne le mal de tête, le matin, hein? Ah mon Seigneur, qui s'appelle de la Schnantals. Ils mettent de la Schnantals parce que pour équilibrer le vin, quand ils transportent, ils disent, oh, mais pour pas que ça se transforme, puis ça sent le côté vinaigre, puis ah mon Dieu Seigneur. Et il dit, il y en a, dans tous les vins, on met ce petit produit-là. Mais quand tu es en France, c'est 80% diminuée de ta bouteille. Là, ça veut pas dire tu prends 3-4 bouteilles, puis le lendemain, ça va être hallelujah. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ça risque d'être. C'est certain. Mais que 2 bouteilles, ça peut te faire. Ça dépend. Ça dépend de, oui, du pourcentage. On appelle ça le degré dans le milieu. Dans le milieu du vin, c'est le degré. Et puis, plus tu montes de degrés, donc, disons, une bouteille à 14 degrés, qui est quand même assez. C'est pas du Porto. Le Porto, c'est 20 degrés. La Volga, c'est 40 degrés. Là. Moi, j'ai bu du Ricard quand j'étais là-bas avec le groupe Bernard. Un groupe que vous allez connaître incessamment. Et eux autres m'ont vu parce que j'ai pas rajouté d'eau. Moi, c'est comme le citron pressé. Je rajoute pas d'eau. Mais... ils m'ont dit, ben, si tu bois de l'eau, ça va comme compenser, tu vas avoir pris autant d'alcool. Voyons donc. L'alcool est dans le verre. Si j'ajoute de l'eau, il n'y aura pas d'alcool. Et je me suis dit, c'est pas parce que tu es français que tu connais toute la patente. Là. C'est quoi la patente, M. Tremblay? La patente? C'est pas la patente de mon ami, Michel Boucher. Pas Michel Boucher. C'est le chanteur, là. Celui qui fait bande de malades, Daniel Moucher. Pas lui qu'on entende, là. Celui qu'on va risquer d'émaner de notre tympan à la recherche d'une musicalité. Qu'est-ce que tu dis là, toi, là? C'est même pas du français. Ben, tout est français si on le veut. Eh non, non, non, non. Ça, là, on en... Madame Tremblay, s'il vous plaît, Madame Tremblay, vous l'avez pris en note, hein? C'est enregistré, ça? Ça fait partie d'une émission? Ah, les magnétophones fonctionnent! On est en direct! Ah, mais voyons donc, toi! Je me suis même pas peigné les cheveux! Mais c'est pas grave, j'ai de la radio. Ah! La radio visuelle? Ben oui, c'est CKRL. Ah, mon Dieu, merci, mon CKRL. Ma CKRL. Est-ce que c'est mon ou ma CKRL? Comme c'est une radio, c'est ma CKRL. J'ai passé la nuit debout, dans le noir et l'impatience, à me souvenir de vous, de vos mains, de vos silences. Ah, j'étais si jeune alors, je ne comprenais pas grand-chose. Je n'aimais que votre corps, vos joues en devenaient roses. J'ai passé dans vos genoux plus de temps que nécessaire. Et votre sourire est flou, votre voix n'est plus si claire. J'étais aveugle alors, j'ai marché vers la lumière. Je ne croyais pas à la mort, les mots je ne savais qu'en faire. Où êtes-vous, où êtes-vous? Maintenant que je pourrais vous aimer. Où êtes-vous, où êtes-vous? Maintenant que j'ai besoin de vous. J'ai passé la nuit debout à chercher votre visage. Vous aviez des mots trop doux, je ne connaissais que la rage. Ah, j'étais si fier alors, je ne voulais rien entendre. Le désir était si fort que je me mordais la langue. J'ai lancé pensant à vous après toutes ces années blêmes. Je n'ai rien trouvé du tout, rien qui n'ont valu la peine. Ah, le monde était alors un océan de promesses. Et je me croyais très fort. J'étais sans délicatesse. Oh, où êtes-vous, où êtes-vous? Maintenant que j'ai pourrais vous aider. du bruit du déshonneur. Loin du sang, loin du dégoût, et ce fut un vrai bonheur. Ah, je vous revois, hier, yeah, agitant votre mouchoir. Mais j'avais tellement, tellement à faire, je nourrissais tant d'espoir. Oh, où êtes-vous, maintenant que je pourrais vous aimer. Janine, c'est Raymond. Raymond Beaudoin, oui. T'as-tu des nouvelles de Rénal? Rénal Gagné? Oui? C'est... Ouais? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, lui-là, là? C'est bien, il est pas mort, j'espère? Enfin, s'il est mort, j'en ai pas entendu parler. OK? Ouais, c'est vrai qu'il n'a jamais été trop, trop vivant non plus, là. Ouais. Mais c'est pas grave, il sait pas. C'est pas méchant. Quand on le sait pas, c'est pas méchant. Hein? Puis, tu sais, il y a une expression aussi au Québec, c'est bizarre, hein? On dit sors le méchant. C'est quoi sortir le méchant? C'est dis ce que tu retiens depuis des années, depuis tant de temps. C'est ça le méchant. Et en même temps, tu dis un serpent qui lui veut mordre une jambe ou je sais pas, il veut mordre un animal. Il sort son méchant. Quand il sort son méchant, c'est pour endormir puis tuer. Je sais pas s'il tue puis endort avant. Sauf que je regarde ça à la télévision, là. Non, mais c'est parce que j'écoute ça pas en accéléré, moi. Moi, c'est en mode régulier, là. Tu sais, le narrateur parle normalement. Puis là, quand ça vient trop, trop intéressant, là, je m'arrête, je retourne, puis je parle un peu plus lentement. On dirait que c'est plus dramatique. Je comprends rien, mais c'est plus dramatique. Et c'est comme quand tu regardes de Psychose de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Ça, c'est un ancien chanteur, Alfred Hitchcock. Oui, il était dans le Hitchcock de l'époque. Jokebox? Non, c'est Hitchcock. Tu connais pas sa musique. Oui, voyons donc. Laisse des professionnels comme moi te parler. Bon. On te remplit pas, toi, là. On dit la vérité. Si tu veux pas l'apprendre, tu la mets de côté. Tu vérifies, après ça, tu l'absorbes ou tu la refuses. Bon. C'est comme ça. C'est ça, la vie. C'est pas autrement. Comment ça, c'est sectaire? Tu connais même pas le mot sectaire. Qu'est-ce que ça veut dire, sectaire? Mais. Mande ça à ta secrétaire, Yolande Guérard, là. Celle qui dit, hein, « Ah, mes ongles sont jamais assez longs pour pointer vers l'infini. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une secrétaire. Elle doit être prise dans les chiffres, dans les lettres, dans la dactylographie, là. Puis en plus, tu m'as dit récemment, ça fonctionne plus à dactylo, une secrétaire. Ça fonctionne à l'ordinateur. Ben, c'est bien beau, l'ordinateur, là. Mais il faut connaître, là, quand même, le langage de l'ordinateur. Comment ça parle? Ça parle comment, l'ordinateur? Ça parle-tu en pixels, en gigots, en HDMI? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis, ça se coupe avec quoi? Avec des souris, avec des imprimantes, avec des câbles aussi, avec même avec rien, avec Bluetooth. C'est quoi le Bluetooth? Moi, j'ai une petite soirée, là, entre nous, là, samedi dernier, là. Et puis dans le secteur que je nommerai pas. Et non, mais non, on peut pas toujours nommer les endroits, là. C'est à vous de chercher. Hein, pardon? Chercher. Comme dit la chanson, cherchez et vous ne trouverez pas. Vous la connaissez pas, celle-là? Bon, c'est pas grave. On n'est pas obligé de tout connaître. Voyons donc. Hey, si on doit, à chaque discussion, savoir, ah ben oui, ben voyons donc, tu connais ça? Ben oui, je connais ça, voyons donc. Ah, ben puis c'était, ah ben voyons donc. Des fois, c'est mieux de faire semblant de savoir que de se faire raconter une affaire qu'on comprend pas. Ça, c'est ma doctrine. Mais là, elle est pas pire, hein? Elle est pas pire. Non, je parlais pas de l'idée que j'ai eue. C'était de la phrase que j'ai balancée. Mais à trop balancer, on peut se fracturer le bassin. Et tu me vois venir, toi? Tu me vois venir. Depuis combien de temps tu me vois venir? Ben, je te vois pas venir, là, parce que j'ai pas mes lunettes. Mais je t'entends venir. Et puis quand je t'entends venir, je sais que tout va peut-être aller dans cette direction. Quelle direction? Ben, la direction, on peut la nommer. Ben, vas-y! Prends ça calmement. Ben, je prends ça aussi calmement que je peux la prendre. La calmerarie. La rurarie. La rarerie. La rarerie. Ça va bien, toi? Comment ça va, toi? Et voyons donc. Là, il est devenu un peu traumatisé. Traumatisé de quoi? Je le sais pas. Fait que là, je lui ai dit, arrête-toi. Arrête-toi. Bon, je te donne un temps de réflexion. Un temps où tu peux t'arrêter et réfléchir à ce que tu veux dire. C'est simple, pas compliqué. La vie est zen. Moi, je ne suis pas dans la vie. Moi, je n'ai jamais été zen. Zen et moi, je ne le connais pas, zen. Zen, là, si tu me le présentes, j'aimerais bien parler avec lui. Parce que j'aurais des choses à lui demander, puis même j'aurais des conseils que j'aimerais qu'il me dise. Comment devenir zen? Zen. La zénitude n'existe pas. La zénitude, ça n'existe pas. Je croise tes rêves, je croise tes gens, je croise tes morts et des vivants. Le vent se lève en emportant de la poussière des ossements. Sous les mensonges, sous les tourments, la nuit s'étire, l'ombre s'étend. Éponge noyée de sang, ne vois-tu rien venir devant? Qu'est-ce que l'on cherche? Qu'est-ce qu'on apprend? Où sont les pêches que l'on tend? Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. Chanson pour boire, chanson seulement. Dis le vide qu'on le ressent, monte de gloire. Poignée de sable qu'on va filant, entre nos doigts ni rien pouvant. Sur son mirage va chevauchant. Manteau d'argent, on a tout nu, pas tous les temps. Chanson pour boire, chanson seulement. Pour dire le vide, on le ressent. Manteau de gloire, manteau d'argent, on a tout nu, pas tous les temps. Chanson pour boire, chanson seulement. Pour dire le vide, on le ressent. Manteau de gloire. ce qu'on apprend où sont les berges de la mouton. Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. Chanson pour boire, chanson seulement, pour dire le vide que l'on ressent. Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. Chanson pour boire, chanson seulement, pour dire le vide que l'on ressent. Manteau de gloire, d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. Chanson pour boire, chanson seulement, pour dire le vide que l'on ressent. Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. Chanson pour boire, chanson seulement, pour dire le vide que l'on ressent. Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. Chanson pour boire, chanson seulement, pour dire le vide qu'on le ressent. Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. Chanson pour boire, chanson seulement, pour dire le vide qu'on le ressent. Manteau de gloire, manteau d'argent, pour dire le vide que l'on ressent. On va tout nu, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. Chanson pour boire, chanson seulement, pour dire le vide que l'on ressent. Manteau de gloire. Durant toute cette soirée d'improvisation de la première heure, c'était Stéphane Escher avec Carcassonne, mais uniquement les chansons en français, parce que je suis francophone. Et, ben, c'est quoi? Moi, je suis pas... non, je suis pas chambidex francophone. Je suis gauche, je suis un gauche de France. Ah, je suis un français de gauche. Ah, mon Dieu! Et puis... Il y a Carl, quand je vivais en commune, qui adorait la chanson que nous allons entendre maintenant, parce que ça vaut la peine. Parce que oui, j'ai vécu en commune. Pour les gens qui me suivent depuis le début, ils savent très bien. Mais pour les autres, mon Dieu, ça quoi, ça crée chez quoi chez vous, Monsieur Grenier? Ah, moi, ça m'a créé un sous-sol. Mais le sous-sol pas fini, hein, puis je le finirai jamais parce que, de un, j'ai pas les moyens financiers de... Je préfère partir en Europe, en Paris, dans le 18e pour aller rencontrer des gens que j'adore et qui me font un plaisir fou que de finir un sous-sol qui va me rendre fou. Alors, l'histoire est très simple. Veux-tu aller dans la folie? Ou dans la folie? Excuse-moi, là, mon petit champion, mais ça veut dire la même chose, la folie... Ouais, mais attends un peu. La folie voyageuse? Ça, c'est comme une petite bébite. Ça, as-tu déjà vu la folie voyageuse? Ben, ouais, c'est celle avec un bec vertigineux. Un bec vertigineux, voyons, c'est un bec vertigineux. Mais des pattes vertigineuses qui pouvaient s'envoler dans des envolées théâtrales qui nous donnaient à croire que les insectes pouvaient maintenir un dénominateur commun à la théâtralité mondiale, c'est que le texte, comme ce moustique, peut, s'il le veut, s'envoler. Mais, attention, mais, et on dirait entendre, tu sais, non mais c'est pas la voix là, mais selon moi, là, c'est un peu à la, comment il s'appelle, non? Attends un peu, celui qui a joué dans... mon Dieu Seigneur... que je le vois, là, Polo, celui qui est mort, là, puis il restait juste un bas. Un bas de soie, non, c'est un bas. Antonin Artaud! Sans la voix d'Antonin Artaud, parce qu'il est tout à fait reconnaissable de tout, là. Mais j'aimerais ça rentrer en transe pour avoir la voix d'Antonin Artaud. Comment avoir la voix d'Antonin Artaud? Avoir la voix! Fait que là, il faudrait que je demande à des gourous, à des gens qui connaissent toute la vocalise de ce grand concept de laisser aller. Mais là, pour le moment, j'étais dans une commune et Carl adorait cette chanson-là. Nous étions plusieurs artistes, hommes et femmes, filles et garçons. Et ben voilà. Elle est belle aussi. Elle est sublime. L'été, on peut être assis devant elle, la regarder passer et avoir le goût, se faire influencer par ce que l'on voit. Ouais. Je surveille le chemin, je n'ai rien d'autre à faire, mais rien ne vient. J'attends le nez en l'air, je ne tords pas les mains, on gagne ou bien l'on perd, mais c'est plutôt rien. Tout à l'heure, je reviendrai demain. On ne sort pas du désert, on tourne sans fin. Le jour tombé, l'enfer n'est plus aussi lointain. Mais je ne suis pas amer, toujours on en revient. Et attendre n'est rien, et les larmes sont vaines, et c'est le même refrain. Et les blessures se ferment, et attendre n'est rien, et les larmes sont vaines, et c'est le même refrain. Passante mes mains, c'est l'heure de la prière, mais rien ne vient. On finit par s'y faire, avec un peu d'entrain. On sait bien que nos misères ne prennent jamais fin, jamais fin. Se ferme et attendre rien, et les larmes sont vaines, et c'est le même refrain. Et les blessures se ferment et attendre rien, et les larmes sont vaines, et c'est le même refrain. Et les blessures se ferment et attendre rien, et les larmes sont vaines, et c'est le même. Le même. J'ai surveillé le chemin, je n'ai rien d'autre à faire. Aujourd'hui, je vous propose la comédienne, chanteuse, auteure, compositrice, femme tout azimut, tellement sympathique et incroyablement motivée par les mots, l'émotion et la chanson. Eve Guerrier, à toi. Les 130 coups de 7 heures ont sonné au jardin des pommes enchantées. Le malin jongle et joue des tours, sifflant sa cavatine sans détour. Perfecto de pouce serpentine, gueule d'ange aux allures séraphines, sa fourche de langue assassine, toujours en quête de rapine. En fourchant son harlet qui gronde, sifflant les filles qu'il dévergonde, le malin fait de beaux discours qui font vibrer sa pomme d'amour. Perfecto de pouce serpentine, gueule d'ange aux allures séraphines, sa fourche de langue assassine, toujours en quête de rapine. Sa petite frangine lui glisse accro, si on trouvait un jeu nouveau, viens donc par là si t'es dispo, croquez ma pomme mon Angelo. Perfecto de peau serpentine, gueule d'ange aux allures séraphines, mordant l'amour à sa frangine, sa petite jumelle, sa consanguine. Allegro molto déchaîné, au jardin des pommes enflammées, tel un buisson ardent se tend, à la vue d'Ève se réjouissant. Perfecto de peau serpentine, gueule d'ange aux allures séraphines, mordant l'amour à sa frangine, sa petite jumelle, sa consanguine. Les 130 coups de 7 heures ont sonné au jardin des pommes endiablées. Le malin jongle et joue des tours, sifflant sa cavatine sans détour. Perfecto de peau serpentine, gueule d'ange aux allures séraphines, Adam et Ève jouent et badinent, avec l'amour pour origine. Origine. Origine. Allô, Ève. Allô. Ah, ça va? Ça va bien? Oui, je te ben, c'est facile à trouver, hein? Ben oui, mais non, mais c'est surtout que je suis allée au chez Aristide, moi. Mais en fait, pourquoi? C'est pour... oui. Parce que je sais le matin. OK, que... OK. Hein? Ben, au moins, nous voilà. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, j'aimerais, s'il vous plaît, un café puis un grand verre d'eau. Un espresso, un verre d'eau? Orange pressé, s'il vous plaît. Orange pressé. Okay. Merci. Alors, sinon, ça va? Ouais. Oui. Pardon, de ce petit retard. Non, il y a mais, pas de problème. Mais en fait, j'arrive de loin. OK. Hein? De quel endroit? Moi, j'arrive là. Maintenant, je suis une petite luparienne. Je suis à Louvre, tu sais, c'est ah, à oui, côté oui, de oui, oui. Charles de Gaulle Étoile. Ah oui, effectivement. Voilà. Ben, c'est à côté de l'aéroport. Oui, exactement. Ah, ouais. Et puis, comment ça va? Ah ben, ça va super. J'adore oui. Quand j'entends cet accent. Moi, je meurs. Non, mais j'adore. Il y en a beaucoup qui aiment bien, puis malheureusement, il y a des Québécois qui prennent l'accent français pour avoir l'air international. Ah ouais? Donc c'est un peu biaisé, là. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est le... C'est chantant, c'est tellement chantant, c'est merveilleux. Ben oui, c'est un peu comme l'accent comme... belge. Ouais, ouais. Même le suisse, hein, dans la langue. Oui, et puis, vrai. Tu sais, l'accent aussi que j'adore, là, c'est pas la portugaise. Tu vois, enfin, il y a des trucs... Oui, c'est ça, il y a des hauts et des bas, voilà. C'est comme la vie. Ouais. Comme la vie. Comme la vie et comme le grand 8. Oui, exactement. Donc, super. Alors moi, je suis heureux de te rencontrer parce que, en fait, ça fait longtemps qu'on se côtoie sur Facebook. Ben oui! Et puis, ben, en fait, toi, tu t'adonnes à... tu es une chanteuse, une ouais. fille qui aime bien les textes, qui aime bien... Ouais. Mais tu as commencé à quel moment à chanter? Pourquoi tu as voulu faire cette carrière-là de chanteuse? Alors, moi, je vais te dire, depuis toute petite, je chante. J'adore chanter. Enfin, je chante, quoi qu'il arrive. Hein. Ça, c'est vrai que j'embêtais, mais on est une belle fratrie, on est nombreux. Et j'embêtais les frères et sœurs parce que je chante tout le temps, je chantais tout le temps. Mais indépendamment de ça, c'est vrai que j'ai toujours été, le chant, c'est un truc qui me faisait du bien. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme une... Une thérapie. Ouais, mais c'est même pas thérapeutique parce que bon, on n'est pas malade, mais c'est que c'est comme un jus d'orange, là, tu viens de commander, ouais. Ça te donne un truc en plus. Ouais. C'est le rayon de soleil. C'est voilà, le rayon de soleil. Exactement. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, très vite, j'ai été dans le théâtre. Ouais. Alors dans le théâtre. Ouais, c'est ça, là, t'as touché à plein de choses. Voilà. T'es pas uniquement chanteuse, t'es comédienne, t'es. Ouais, ok. Ouais. Mais en fait, j'aurais voulu être chanteuse, tu vois, mais je suis allée dans le théâtre et puis j'ai été une enfant gâtée en ce sens où les choses se. Tu sais, s'enchaîner okay. De façon tranquille, un spectacle en amenait un autre. Quand les choses sont agréables comme ça, comme tu vois, le fil de l'eau où ça se déroule, tu suis. Alors, tu suis le courant. Voilà, je suis le courant. Et puis en fait, il se trouve qu'en plus, j'étais gâtée dans le sens où... je sais pas, mais ça se trouvait comme ça. Je me suis retrouvée à aussi être... Alors, pas dans la comédie musicale, mais à faire des rôles chantés. Okay. Donc, je me retrouve tout d'un coup dans le théâtre, opérette politique de Bertolt Brecht, tu vois, où là, c'est une voix lyrique. Ouais. En plus, moi, j'imitais comme un perroquet, comme un... ça sortait et tout ça. Donc, j'adorais imiter. Ça, c'est parce que j'avais vu Peter Brook, tu sais, le Carmen de Peter Brook. Ouais. Alors, mais j'étais tombée tellement amoureuse de cette opéra, de cette histoire, que je le chantais tout le temps. Enfin, je le connaissais par cœur, je faisais tous les rôles, tout ça. Alors, c'était pas compliqué de le refaire. Tu connaissais déjà les paroles, tu connaissais le texte, tu connaissais la vibration, parce que c'est une vibration. Ça. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, le chant, après... Mais j'ai toujours... tu vois, quand je suis arrivée à Paris à 20 ans, là, pour faire du théâtre, je me disais, putain, j'aimerais bien aller dans les cabarets, tu vois. Oui. Oh, merci, monsieur. Les cabarets, parce que Paris, ça fait rêver. Je venais du sud de la France. À quel endroit précisément? Moi, je venais d'Ardèche. Ah oui? Mais j'ai pas arrêté d'aller de... J'ai fait des allées-venues entre l'Ardèche et Lyon. Le vent. Le vent, le vent, le vent. On nous vend du vent à tout vent, dans l'air du grand désenchantement. Qu'on soit Mistral ou Sirocco, qu'on soit vent froid ou bien vent chaud. L'air du virtuel et le credo. Blizzard, soufflant du givre dans le regard, les mugissants et l'océan nous donnent à croire qu'on peut choisir la tramontane ou le zéphyr, nous transformant en cerf-volant, en cerf-volant entre la brise et vent d'autant. Le vent rend fou, le vent s'en fout, le vent rend fou. Le vent s'en fout, le vent rend fou. Le vent s'en fout. sereine et saine dans son credo bien irréel. Avant qu'il joue de la crécelle. Le vent devant, le vent debout, le vent qu'on aime, le vent suprême. Le vent devant, le vent debout, le vent qu'on aime, le vent suprême. Emportera tout dans sa bohème. Emportera tout dans sa dans l'air du grand désenchantement. Qu'on soit Mistral ou Sirocco, qu'on soit vent froid ou bien vent chaud, l'air du virtuel et le credo, le vent suprême emportera tout. Moi, je suis née en Auvergne, hein, ça mais j'ai vraiment passé mon enfance entre l'Ardèche et Lyon. Ouais, mais tu as perdu l'accent. Parce qu'il y a un petit accent comme à Marseille. Ah, ben ça, c'est l'accent du Sud. Eh bien, voilà, c'est ça, mais tu l'as perdu. Alors, Non, mais je ne l'ai jamais eu. Ah, tu l'as jamais eu? Non. Alors, par contre, on me disait quand je suis arrivée à Paris, c'était drôle, on me disait, mais t'as quel accent? Toi, t'es suisse, t'es belge, t'es... Tu vois, c'est marrant, hein? Ouais. Bon. Enfin bref. Oui, c'est ça. Non, mais pour dire que l'accent, j'ai jamais eu l'accent du Sud qui est. Maman, le Jean-Luc, il a mangé tout le Nestlé, sais, avec les pêches, ça pègue et tout, et bonjour. C'est très chantant aussi, c'est magnifique, mais je l'ai jamais eu. Bon, bah, j'en sais rien. Et puis après, dis donc, je suis un peu longue hein, pour te raconter tout ça. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'après, non, il s'est trouvé qu'à Paris, pour moi, je me disais, ouais, putain, les cabarets, tout ça. Et puis bon, c'était plus trop l'époque, tu vois ce que je veux dire, quand je suis arrivée, enfin, plus trop l'époque, il y a toujours des cabarets, etc. Ouais, mais ouais. Je sais pas. En tout cas, tu sais, on imagine des choses. Ça, c'est le grand danger. On rêve des choses. Oui, oui, oui. Mais bon, tant mieux. Mais la déception est là quand on y est. Alors, pas la déception, mais tu te dis, tiens, bon, bah, les choses ont changé, évolué, et tu vois, quand tu dis, c'est pas, ça change, enfin, c'est pas comme ce que tu as eu, ou l'idée que tu t'es fait, voilà, qui est souvent idéalisé. Très facile, voilà, aussi, hein, tu crois. Et puis après, bon, le théâtre, je te dis, je reprends ma route, là, enfin, je suis dans le théâtre, les choses se passent magnifiquement, je fais Festival d'Avignon, d'abord Festival de Valréas, Festival d'Avignon dans le Hin, je fais les, comment dire, je travaille avec des metteurs en scène, tu sais que la fidélité, enfin, pour moi, c'est quelque chose d'important aussi. Oui, la clique, ouais. La troupe. C'est joli, vous vous dites la clique c'est magnifique. Non, nous, on dit... La troupe. Alors, la clique, moi, j'avais un groupe aussi, j'ai fait du clown, ça s'appelait le CRIC. Ah, on n'est pas loin. Mais on n'est pas loin, mais ça, c'est le CRIC, c'est la cellule révolutionnaire d'intervention clownesque. Ah, mais nous, non, le CRIC, c'est pour monter un véhicule. Mais nous aussi. Bon, mes parenthèses. En fait, ce que je veux te dire, c'est que après, je suis... donc, tu vois, je fais du théâtre, je travaille aussi sur des créations où, en fait, il y a des compositeurs qui créent pour le spectacle, tu vois. Donc ça, c'est magnifique. Puis moi, j'aime bien le monde du cirque. Ça, c'était avec Geneviève de Kermabon, avec Xavier Lemay. On est en quelle année sur le cirque? Alors, le cirque, j'ai jamais été, je ne me permettrai pas de dire que j'ai été dans le cirque, mais par contre, je faisais du trapèze, c'était mon hobby, tu sais, comme il y en a qui font de la gym, moi je faisais du trapèze, j'adorais ça. Ça, c'est quoi les années 80? Ça, c'est, c'est quoi, c'est 90-2000, enfin, c'est 2000, tu vois, Ouais, c'est ça, 90 2000, ouais. Après, j'ai la chance de travailler avec une compagnie italienne, du coup, tournée internationale, parce que eux, ils ont fait un spectacle coproduit au Japon qui a été un vrai succès, une adaptation absolument sublime, Reynald, vraiment magnifique de La Belle et la Bête de... En fait, tu vois, je veux dire, c'est, je dis de Cocteau, mais c'est avec Jean Marais et tout. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une réussite extraordinaire. Donc, ce spectacle a eu des tournées européennes, etc. On jouait dans toutes les langues. Tu vois, on reparle de la musicalité d'une langue. Moi, je ne parle pas couramment toutes les langues, mais... Italien... Voilà, mais chaque langue a sa musique, son rythme. Oui. Et ça, c'est fantastique, parce qu'on n'a pas le même... Tu sais qu'on n'a pas la même façon non, de... prononcer. Non, non. Non. Comme tu dis, on n'a pas la même. Tu peux, moi par exemple, en anglais, je suis plus aiguë, ou en allemand, je suis plus grave, ou tu vois, tu poses ta voix différemment, je ne sais pas pourquoi. Il y a des langues qui sont projetées, il y a des langues qui sont plus. Plus du bout de. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, bon, bah voilà, super, tout ça, ça fait des magnifiques expériences. C'est une école en soi. Ouais. Ah oui. C'était cousu de fil d'argent, que ma sexy robe provoquant. Période in love, sous le sextant, finirait comme un guet-apens au japonais. Tu m'as saqué, latin pourra vite monter. Période in love, bien amoché. Ma sexy robe était bafouée. T'as découpé ma petite robe. Son sashimi, sa transparence s'est figée en sushi, exterminée par ta jalousie, en fleur de maquis. Petite robe. s'est figé. Alors oui, tu as raison de parler d'école magnifique, parce que moi j'ai commencé par une école pluridisciplinaire. Donc tu vois déjà, il y a ce truc un peu tentaculaire, puis l'idée de... Voilà, ouais, et d'aller un peu partout. Et après, donc je théâtre, et puis après j'ai la chance de rencontrer Éric Guéna, qui est donc mon compositeur, même si je compose aussi avec lui. Enfin, tu vois, on se complète parfaitement, on est un espèce de moi j'appelle ça tandem, animal... Aigle, animal à deux têtes, tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, de toute façon, il y a une très belle complicité. Putain, j'ai attendu longtemps pour le rencontrer, mais je l'ai rencontré, ça c'est magnifique. Et c'est au moins, voilà. Au moins vous vous êtes croisés, vous vous êtes rencontrés, donc peu importe le temps. Voilà, exactement. Vous y êtes. Et alors là, depuis... depuis 8 ans, tu vois, un peu moins de 10 ans, on a travaillé comme des fous. Et on a fait nos chansons, ouais. C'est pourquoi on se rencontre. Ouais, ben oui. Mais donc, c'est pas non plus un disque pour un disque, c'est vraiment une évolution dans ta carrière. C'est un nouvel art que tu as entrepris. Oui, alors c'est un nouvel art, mais qui était toujours là depuis toute petite. Qui était latin. Et tu vois, moi j'aurais voulu être chanteuse d'opéra, par exemple, vraiment. Ouais, mais ça, c'est vraiment... Ben, il ne faut pas cloper, déjà. Il faut avoir une vie. Ouais. Enfin, il y en a, mais c'est exceptionnel. Puis c'est une clope comme ça de temps en temps. Ouais. C'est comme une... Tu sais, quand tu prends une petite coupe de champagne une fois par an ou tout ça. Ouais. Mais non, mais je suis d'accord. Et puis c'est un... Mais moi, je trouve que le vin amène la cigarette. Ouais. Mais le café aussi. Ça fait remplir un cendrier facilement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, l'opéra, c'est un truc qui me bouleverse. Moi, ça me fout les poils au garde à vous tout de suite. Enfin, tu sais, je les grandes voix, ça me... Comment elle s'appelle, celle qui chante dans Wagner, là, dans le Ring? Mais c'est sublimissime, quoi. Elle est... Oh, il faudrait que je retrouve, tu vois, là, je devrais retrouver son nom, là. Mais elle est... Moi, c'est... Voilà. C'est... Oh, oui. Tu vois, une jeune femme comme ça, qui a l'air toute fragile, putain, machin... Qui... Oh. Une voix d'une puissance qui sort, tu vois, et puis une clarté en même temps, une... Tu sais, quand t'as une profondeur que t'as... Des vibrato qui te... Ah non, mais c'est magnifique. C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. Et alors, mon compositeur, lui, il vient du rock, rhythm and blues, tu vois. Donc, mais tout ça peut se côtoyer. Ah oui. On est d'accord. Ça peut s'entrelier, ça peut... Bah, celui qui m'a fait... Tu sais, il m'a fait connaître Offenbach. Ah oui, Jerry... Oh, bah attends, ben bah oui. Oui, avec Jerry Boulet. Jerry Boulet, le magnifique. Boulet. Alors, feu moi qui adore Piaf... Ben oui, pardon. Non, mais tu sais que Jerry Boulet a été marié avec une Française. Mais oui, alors j'ai cru comprendre que cette Française, c'était la sœur de... Non, attends, c'est oui. pas... Oui. Comment il s'appelle? Claude... Parce qu'en fait, non. Alors, pardon, je ne sais pas les histoires intimes de ce Jerry Boulet, mais ce que je sais, c'est que... Attends, je me trompe. C'est non. Il est parti en France avec le groupe Offenbach. Et puis c'est là qu'il a rencontré cette Française-là. Il est resté très longtemps en France, 2 ans. Le groupe est revenu. Ouais. Et lui, par la suite, il a ramené son amoureuse. Et ils ont fait vie commune jusqu'à la mort de Jerry Boulet, qui est mort d'un cancer. Ça fait quand même 15 ans. Ouais. Sa voix. Mais moi j'adore. Et alors il me fait connaître ça parce que moi je chante Piaf, c'est pour ça que je te parle. Tu vois, te l'as fait connaître. Mais oui, il me fait connaître l'hymne à l'amour quand, Alors moi j'ai fait un hommage à lui parce que quand je chante Piaf, je veux le faire rock comme lui parce que c'est sublime. Il joue du piano. Mais magnifiquement. C'est quand je... Voilà, et mon compositeur, il le connaissait parce que Claude Faraldo, tu sais celui qui a fait le film Tabarnak sur le groupe Offenbach, justement. Et ben voilà. Mais tu sais que l'histoire... Ah oui, mais ça aussi, mais ça se passe en C'était France. Son directeur de thèse à mon compositeur. Ah oui. Voilà, enfin, il l'avait demandé, puis voilà. Non, mais c'est drôle. Donc il a connu Claude Faraldo, C'est un jour sombre. Tout vit dans l'ombre, on ne comprend plus rien au matin. Que deviendront nos lendemains? C'est une nuit blanche, coupée en tranches. On se lève en ayant mal aux reins. On respire un drôle de parfum. Mais nous on chante, mais nous on rit, pour faire face à cette chienne de vie. C'est une map monde qui roule et gronde, animée de tous ces humains. Au féminin, au masculin, c'est comme une onde, comme dans une ronde, enfin de se tenir la main. Mais on est tous des galériens. Mais nous on chante, mais nous on rit, pour faire face à cette putain de vie. Ça s'allume et puis ça s'éteint. Ça se passe de mécanicien. Il y a le temps qui va filant. On s'allume et puis on s'éteint. Heureusement qu'il y a des martiens. Mais nous on chante, mais nous on rit, parce qu'on l'aime fort cette putain de vie. Mais nous on chante, mais nous on rit, parce qu'on l'aime fort cette putain de vie. Mais ce film-là est expressé de un, c'est un documentaire. Okay. Voilà. Deux. À un moment donné, il y a les flics qui frappent à la porte de cette commune-là, parce qu'ils sont plusieurs, puis ça fête, comme on dit chez nous, là, ça fête très fort. Ouais. Et les flics commencent à picoler, puis à la fin de la... Parce que les flics frappent à la porte à 22h, à 6h du matin, ils sont encore avec les flics, et ça chante et ça boit. Mais sa vie, quel film. Mais sa vie, c'est magnifique. Ça, oui. Ça rit, ça aime la vie, ça croque la vie à pleines dents, ça fait pas des chipoteries, ça y va. Sans rien compter, hein? Sans rien compter. Ça y rien... va. Ah, oui. Alors bon, après, le bilan est dur, mais bon, attends, qu'est-ce qui... Après ça, chacun, moi, chacun est... C'est très personnel, oui. Ça regarde chacun. Effectivement, voilà. Mais mieux vaut vivre, à mon avis, à 100 000 à l'heure, pendant 50 ans que de vivre à 20 000 à l'heure pendant 90 ans. Ce sera la phrase du jour. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais il faut envoyer là. Écoute, on est ici, on en profite. Et ouais. On vit comme on peut, puis comme on veut aussi. Exactement. On est libre. On est libre. Et voilà. Et alors, avec. Justement, je t'ai amené un disque. Hein. Merci. Ça, c'est celui que je viens de sortir là en mars. Hein. Oui. Parce que bon, fait chier, il y a eu le Covid, toutes ces histoires terribles, nanana. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que ça, c'était le premier, mes pin-up de chansons. Moi, je les appelais mes pin-up de chansons, mes petites chansons. Oui, bien sûr, monsieur. Et tu vois, voilà. Non, mais ça, c'est la carte de visite. Vous voulez pour vous? Comment? Vous voulez prendre pour vous? De quoi? Ah non, le briquet. Non. Oh non, c'est gentil. Merci, monsieur. Non, c'est ça, mais lui, c'est la carte de visite, ce disque-là. C'est la carte de visite pour celui-là. Ça t'a donné la chance de faire ce disque-là. Ben, en fait, j'en avais déjà fait deux avant, parce que moi, je mets la charrue avant les bœufs, Reynald. Mais ils sont pas... Les autres, ils sont produits, évidemment, autoproduits. Oui. Ça veut dire on en chie, mais on fait ce qu'on aime. Oui. Et bien et sûr qu'on fait avec ce qu'on a, exactement, ouais. Mais sérieusement, tu vois, avec sérieux. Oh, hein. Ben oui, ben oui. Après, évidemment qu'on adorerait être aidé, soutenu, tu vois ce que je veux dire. Ben ouais. Mais bon, mais après... Si tu veux faire un autre album, il y a Ulule, hein, qui est sur Internet et les gens vont mettre un montant d'argent. Ouais, mais tu vois, ça fait partie du 21e siècle. C'est kiss-kiss. Moi, je te ulule de joie et je te kiss-kiss. Ouais. Je suis d'accord, ouais, mais je veux dire, Si t'as pas d'argent, les gens qui croient en ton projet... Oui, c'est vrai qu'il faut le voir positivement, mais moi, j'ai toujours un peu de mal à demander aux gens, aux copains, aux amis, tu vois, de oh, et oh, ça va, mais quoi, on retour, est toujours à... retour, ils ont l'album autographié. C'est vrai. C'est pas donné pour donner, c'est donné pour recevoir. Tu as raison. Mais c'est peut-être bien aussi pour les gens qui sont... Parce que j'en connais plein, là, d'amis que je rencontre ici, là, ils s'autoproduisent et puis ils prennent Ulule. Ouais, parce que... Ouais. C'est un projet. Tu regarderas ça éventuellement, c'est intéressant. Ouais, même pour faire une tournée, si tu veux faire des spectacles, ça coûte cher, hein, y a rien de... Ah bah c'est... Attends, rien n'est gratuit et puis bon, on sait très bien que... C'est pas tous les jours qu'on rigole. Le boulot ça vous rend grognon. Alors quand vient samedi, on sort de nos abris, on se retrouve chez Rémi au bistrot des États-Unis. L'endroit est plein de types bizarres, de faux escrocs, de vrais taulards. Mais chacun trouve ici, jusqu'au bout de la nuit, au fond de son demi, sa doublure, son sosie. Pardi. Après de trois verres au comptoir, on sent venir son heure de gloire. Les langues se délient, chacun refait sa vie, recolle les débris, sa mégalomanie. L'alcool dissout les vagues à l'âme, nous engloutit comme une larme. On sort sa panoplie de poètes maudits, gens qui pleurent, gens qui rient, j'en foutre bien, j'en suis aussi. Et puis vient l'heure des promesses. Demain c'est promis, je me redresse. Fini les compromis, ce qui est dit est dit. Je ferai des économies, adieu et peut-être bien à samedi. C'est pas tous les jours qu'on rigole, chercher du boulot rend gogol. Et même quand on en a, on finit la fin de mois avec un creux à l'estomac. On pardonne jamais aux pauvres d'être pauvres, ça fait chier. Ah ouais, mais ça, c'est... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est... Oui, bon, c'est... alors... Voilà, ouais, mais bon, ça mais, c'est mais pas toi, tu n'as pas accroché aussi de ton côté comédienne, tu l'as toujours, tu l'as... Ah oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, je suis comédienne et je chante, et c'est pour ça que je fais... Alors, Éric Guéna, qui a plein de cordes à son arc, qui est un grand peintre, hein, enfin, qui est un peintre, voilà, qui c'est son métier, il peint, c'est un peintre. Mais tu vois, il compose pour moi parce que c'est un mélomane, un fou de musique. Et puis il connaît très bien toute la musique classique aussi, Rinaldo. Ah, c'est bien, une belle base, oh là très là. Belle base. Mais ouais. Ouais, et ouais. Puis tout, tu vois, le rock, le rythme, ah ouais. Bref. Et donc, et il m'a écrit, et il écrit très très bien, il m'a écrit une comédie musicale de poche. Okay, c'est bon, c'est, j'aime ça. Parce que ça, tu peux parce que j'ai pas les... Parce que, non, mais je vais pas dire j'ai pas les moyens, ça c'est pas vendeur, mais... Ouais. Mais non, mais parce que c'est difficile de monter un projet quand ouais. T'as pas beaucoup de sous, quand t'as pas de sous du tout, de faire un truc avec plein de gens, d'engager plein de gens, tout ça. C'est je veux dire, ouais. C'est pas évident, à part comme tu dis, Rénald. Ouais. Alors il faudrait faire un kiss-kiss, un ulule, un machin. Mais je veux dire, donc, je fais Autopsie d'une goutte d'eau et c'est... Et c'est un très beau projet que je vais jouer, d'ailleurs, si tu es à Paris, Rénald, le 7 octobre. Mais viens. Non, oh non, non, viens. Ben oui, ben écoute. on reprend l'avion. Ou alors moi, je reviens. C'est où? Je vais à Montréal pour le jouer. Mais... Alors là, formidable. Ah, mais moi, je reste à Québec. Hein. Ben ouais. Mais c'est où? Écoute, c'est à Louvre, okay. À l'ECBD, Espace culturel Bernard Dague. C'est à côté de chez toi. Et c'est à côté de chez moi. Et ce sera pour l'ouverture de saison. Voilà. Et donc, ce sera la première. Et j'espère qu'il y aura plein de petites gouttes d'eau et plein de suites qui feront une grande rivière, une grande mer. Mais ça fait pas... Okay, tu fais juste un soir. Pour l'instant. Okay. Attends, c'est le début. C'est le début, il faut bien commencer. Oui, une petite pierre dans l'eau. Autopsie d'une goutte d'eau, voilà. Ouais. Après, il y a d'autres projets, bien sûr, parce que je ne vais pas en rester là. Enfin, j'ai envie que ça vive. Ouais. Et même si le titre est Autopsie d'une goutte d'eau, tu te dis oh là, mais non, au contraire. Écoute, non, mais tu vois le côté ludique aussi. Ça vient de charger. En philosophie, c'est juste le côté poétique. Mais tu as raison, et puis on meurt, je veux dire, c'est la vie, voilà. C'est le cycle, exactement. Et puis de toute façon, c'est un personnage un peu multiforme qui arrive, qui débarque dans une ambiance de fête foraine avec son landau. Elle est là, perdue, toute seule avec son sac et son landau. On se dit, qui c'est celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et alors, bon, bah, elle s'exprime par le chant aussi. Okay. Comme une sirène, c'est le chant des sirènes. Je ne sais pas, voilà, cacatate. Et elle raconte le 21e siècle, elle se raconte et elle raconte le 21e siècle. Et c'est une sorte de comédie musicale. Ah, c'est une comédie musicale. Soliste. Ouais. Ouais, de poche, c'est pour ça que je l'ai appelée. Bon. On l'a appelée de poche. Très, très bien. Voilà. Donc, elle parle à des personnages imaginaires parce que, bien sûr, tu vois, elle est seule, mais elle n'est pas seule. Hein? Non, à qui elle parle? À qui dis. Elle parle? Ouais, c'est ça, moi aussi, hein, je suis pas seule, j'ai plein d'amis imaginaires. Mais alors, il y a une trame qui est racontée et une autre qui va être chantée. Donc, la chanson amène. Le monologue. Alors tout ça, tu sais, c'est un peu comme dans Brecht où tu te disais, tu passes du parler au chanter de façon évidente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est évident. Tu ne te dis pas, ça fait. Non, mais surtout, ça, texte, même, ça chanson, raconte. Texte. Non, ça raconte quelque chose. C'est ça, mais on ne s'en rend pas compte, là, à un moment donné. Voilà, exactement. Ah oui, à qui elle chante, là, parce que c'est tellement limpide voilà. Que tout coule de source, tout. Magnifique. Oui, exactement. C'est à peu près ça. Exactement. Ah, ouais. Et donc, ça, c'est les projets. Est-ce qu'il y a des chansons qui seront sur scène et que tu as indiquées? Oui, OK. Alors, regarde, c'est celle de mon album que je viens de sortir, Kiké Laïké. Oui. Il y a pas mal de chansons qui seront justement dans Autopsie d'une goutte d'eau. OK. Et voilà. Et puis, il y en a une aussi, La vie se saoule, qui fait partie des pin-ups de chansons. Oui. Okay. La vie se saoule dans le ruisseau du temps. Voilà. Donc, c'est ça les paroles de cette chanson. Et c'est quoi? C'est un concept de 60 minutes? Alors oui, tout à fait, 70 minutes. Okay. Hein, 70 minutes, mais on se rend bien compte qu'il faut, tu sais, il faut... en fait, les spectacles, ce qui est magnifique, c'est qu'il faut que les gens sortent heureux et puis un tout petit peu, mais tout petit peu frustrés en se disant, oh, putain, si ça avait duré un petit peu plus longtemps. Ouais, tu vois, plutôt que trop, un peu trop gavé. Ça se termine plus, Et puis, bois. C'est comme un... Bon, ouais, ça a mal terminé parce que c'est trop... ça n'en finit plus d'en finir. Voilà, non. Et, ouais, et puis, c'est, je pense qu'une heure et quart, tu vois, 1h10, 1h15, c'est bien pour oui. un... En plus, quand t'es seul. Alors, je suis... Attends, je ne suis pas seul, je suis avec mes ouais, musiciens. Au pluriel. Ouais, au pluriel. Ouais, deux. Deux, hein. Guitare et... Guitare et clavier et machine. En fait, Eric, il fait les machines parce qu'on ne peut pas avoir l'orchestre philharmonique, hein, on ne peut pas se l'offrir. Pas encore. Non, pas encore, non mais jamais. Je dis ça. Mais là, ça sera plus de poche. C'est en toute humilité, ouais. C'est parce c'est ça, qu'il y a ouais. des cordes, des, oh, tu vois, oui. dans ces instruments, etc. Et nous, on fait de l'électropop. Alors, attends, j'ai pas fini, pardon. Il fait du. Tu sais, il a un clavier, bien ouais. sûr, il fait du clavier comme ça, et puis du clavier qui fait des sons de guitare, tu sais, qui couine bien et tout. Et, tout, ouais. Et justement, on fait de l'électropop réaliste. Okay. Alors nous, on se définit notre musique comme électropop réaliste, parce que ça c'est merveilleux, tu vois, tu peux ouais. faire tous les instruments avec ces machines. Hein. C'est et puis c'est de la magie, puis ah ouais. C'est très contemporain ouais, aussi, ouais, c'est ouais. vrai. Hein. C'est aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les machines. Mmh. Et puis c'est de la pop parce que c'est de la pop française, hein, tout mmh. simplement. Et réaliste, c'est le petit clin d'œil aux chansons réalistes des époques passées réel, que ça. Moi j'adore. Oui, oui, mais oui, oui, oui, moi je suis folle parce que j'ai bossé à l'Alliance Française aussi, tu sais le. Beaucoup, j'ai fait pas mal de concerts, ils me donnaient une thématique et puis je promouvais, c'est pour promouvoir la chanson française, ouais. donc les grandes voix, les Piaf, les Barbara, les Gréco, ah oui, les Brel, les Brassens, mais les Fréhel aussi, tu vois, comme oui, tu oui, dis, oui, tout, Damien, tout, tout ça. Mais oui, toutes ah ces oui. chansons ah oui. merveilleuses qui racontent en 3 minutes ou en 1 minute et demie, et qui l'époque. Te raconte une histoire, ouais. et tu es là, et tu as un cinéma qui défile, et comme un moineau, tu sais, mais, ah c'est, ouais. mais c'est, ben, ça te fout aussi les frissons. Nous, on a une femme qui s'appelait la frissons. Bolduc, la Bolduc. Ouais, ça me dit quelque chose. Qui était la première chanteuse québécoise. C'est marrant, l'époque, ça me dit quelque et chose. Qui était très, très, très, très, très, très, très politisée, et elle chantait. La vie de tous les jours des habitants qui en ramènent un coup, qui en ramènent beaucoup pour, ouais. Pour survivre. Et non pas pour vivre, pour survivre. Pour survivre. Et elle a fait quelque chose comme 200 chansons. Ah ouais, ouais. Et ouais. La Bolduc, tu revois sur Internet. Mais tu sais, ça me... oui, alors il faut que j'aille plus approfondir. Oui. Mais j'en nom mets me des dit fois sur mon, ouais. mur Facebook. Ah ben d'accord, parce je vais aller regarder. J'adore cette dame qui représente bien le Québec et c'est la première femme qui chante. Ah, magnifique! Ouais. D'accord, ouais, ouais. d'accord. Et au Québec, il n'y a pas vraiment d'homme qui peut rivaliser avec la Bolduc. Mais est-ce qu'elle est l'équivalent d'une Piaf? Ben non, parce que c'est elle qui écrivait tout. D'accord. Mais elle écrivait aussi, hein, Piaf. Enfin, elle en a écrit quelques-unes. Oui, mais toute son œuvre, c'est elle qui l'a écrit. Ouais. Ouais. 200 chansons, Piaf n'a pas écrit 200. Ouais. Ouais. La voix est beaucoup moins, comment dire... scénique. Ouais. C'est particulier. On peut pas là, comparer. Là, on peut pas comparer, mais disons que puis c'était parce que Edith Piaf pouvait faire des chansons d'amour et tout ça. Ouais. Mais c'était politique. Oui, d'accord. Politique. Très engagé comme chanson. Très engagé. C'était un peu la Gréco. D'accord. Mais la Gréco, elle a jamais écrit de chanson. Non. Non, elle était interprète. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Heureusement, ouais, parce ouais, que. Ouais. Elle vient de mourir il n'y a pas longtemps, là, hein? Il y a à peu près 5-6 ouais, ans. Ouais, ouais. Et tout le monde qu'elle reprenait était décédé. Donc, c'est grâce ouais. à ces chanteuses-là qui remettent les pendules à l'heure. Et surtout, on peut réentendre. Bien sûr. Mais nos chansons préférées. Tu as raison. Jean Ferrat, il n'y a pas grand monde qui rend hommage à Ferrat. Moi, si, oui, mais je comprends ce que tu veux ouais. dire. C'est, ça fait partie d'une petite élite ou de exact. Choses comme ça. Exact. Ou c'est comme Anna Prucnal. Moi, j'aime beaucoup Anna Prucnal. Ah oui. Je travaille, tu vois. Je la connais. Oui, bah oui aussi. Alors elle, je la connais pas. Je connais bien sûr, mais pas. Tu vois, Anna, c'est vraiment plus intime et tout ça. Mais c'est que sur les Alpes. Oui. Je suis un pied tout nu, un pied nu sur la plage, en entouré d'autres pieds, tout aussi nus que moi. Mon frérot, mon pied droit, semble se reposer. Il reluque de biais un joli pied tout rose. Ce joli pied tout rose, ce pied si délicat, semble se rapprocher. Est-ce un effet d'optique, un aveugle du pied, ou un lapin magique dans un bruit de ressac, sorti d'un chapeau claque? Que veut ce pied joli, ce joli pied tout rose, ce joli pied qui ose reluquer, mon frérot, sur le sable mouillé? Je lui fais un pied de nez, il arrive à cloche-pied, ce pied manucuré, ses ongles bien polis, comme des petits coquillages, dans un joli vernis, saisi de grains de sable, effleure mon jumeau, somnolent sur la plage, sous le ciel de midi, l'invitant au voyage. Pourquoi lui et pas moi? Qu'a-t-il de plus que moi? De plus que je n'ai pas ce balourd de pied droit, ce faux Casanova. Nous sommes identiques, il mérite ce sournois une leçon en mérite. Il mérite ce casse-pied, une leçon aquatique et plouf. Oui, oui, oui, toutes ces chanteuses. Ça commune, voilà. Exactement. Oui. Est-ce que oui. Tu connais la chanson La main gauche? Oui, attends. Excellent. C'est comme le Ravel qui a écrit la symphonie. Non, mais oui, extraordinaire cette chanson de cri de la main gauche. Tout à fait. Ah. Magnifique. Quand c'est chanté par Bérou, la chair de poule. La chair de poule. Mais tu as raison, j'adore particulièrement cette chanson. Et ça me fait penser à... Elle est décédée très Ravel, jeune. Qui a écrit cette chanson pour cet immense compositeur. Oui. Tu sais qu'il avait eu la main gauche arrachée. Ouais. La main droite. Droite. Putain. Ouais. Et il a... Non, mais c'est sublime. Enfin, tu vois tous ces trucs... Après, dans les chanteurs, et tu connais... vous, c'est quoi au Québec? C'est Félix Leclerc. Ouais. L'autre aussi. Voilà. Alors, attends... Il est encore vivant. Mais il fait des tournées. Il est en tournée. Mais 94 ans. Mais c'est magnifique. L'ours, là, c'est la chanson de l'ours, là, non? Ça, c'est Félix. C'est Félix, oui, hein? Oui. Et Gilles Vigneault, c'est... C'est le tour de l'île. L'île d'Orléans. Oui, tu vois toutes ces... C'est des Bozo. Ouais. Le petit bonheur, c'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il est venu par pleurs sur le bord du fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi chez vous, amenez-moi. C'est magnifique. Ah oui, magnifique. Ah oui. Il la revoit, puis quand il est parti du Québec pour se faire entendre en France, il était méconnu au Québec. Quand il est revenu, c'était une vedette en France et il est redevenu comme un héros. Ah, génial. Alors, on n'est jamais reconnu dans son pays. Ben oui, mais tu sais que c'est un truc de malade. Ah, il y a vraiment l'évêque aussi qu'il ne faut pas oublier. Ah oui, d'accord. La chanson qui a été choisie la meilleure chanson francophone au monde, ouais. Quand les hommes vivront d'amour. D'accord. Ben oui. Vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Ils commenceront les beaux jours, mais nous nous serons morts. Mon frère. Ouais. C'est, non, mais c'est, tu vois, c'est très fort. C'est plus que prenant toutes ces chansons. Et il y a aussi les. Et c'est marrant ce que tu dis. Bon, Charles Debois aussi, ah tu oui, sais. Moi, lui qui a réveillé. Mais moi, je meurs là quand les francophones, pas juste les Québécois qui ont réveillé les francophones. Oh là là, parce qu'on peut faire c'est du beau, rock en français. Mélodie. Exact. Arrêtez les jeunes de dire on fait du rock en anglais parce que ça sonne mieux. C'est pas. Eh bien, moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est ce que je revendique dans notre électropop réaliste. Ah, tu vois, j'ai une chanson là dans l'album Sky on the Rocks. Ah, ça, ça fait référence au whisky, oui, mais il y a les deux. Sky on the Rocks. On reste sonné. Java. Tu vas surprendre, tu vas terminer en donnant. Oui. Hey, en parlant de ça, quand tu prépares un album comme ton nouveau bébé ici, là, c'est mes bébés, mais t'as raison, c'est mes enfants, c'est mes filles, c'est pour ça que je les appelle mes pin-up de chansons. Elles sont sublimes. Comment tu fais pour placer tes chansons sur la pastille? C'est-à-dire, comment tu conçois l'ordre des chansons? Alors, est-ce que c'est sans doute très, très difficile. Alors d'abord... On les aime toutes, les chansons. Alors, attends, moi, c'est comme les enfants. Hein. Ah oui. Tu les aimes, chacun, ils ont leur... Leur spécificité. Leur spécificité, leur caractère, leur physique, leur machin. Et tu aimes, mais tu aimes à crever tout ce qui fait l'originalité de chacune. Après, évidemment que tu as un mal fou à choisir, parce que, pardon, hein, je fais une digression, mais il y a deux autres albums de 12 chansons avant, comme je te disais, pas distribués, mais autoproduits, qui s'appellent... Traînée d'ange, ce premier album, et l'autre, attention, CD affectueux. C'était pour faire un clin d'œil. Oui, attention, CD défectueux. C'était pour que les gens se disent, tiens, s'il est défectueux, on va l'acheter. Tu on parles. Va oser, c'est ça, on va essayer. Et alors, l'ordre, pour revenir à l'ordre, et puis on en a plein encore dans notre petit sac. Moi, je voudrais faire encore 2-3 albums. Enfin, tu vois, on a plein de trucs. Oh oui. Et alors, pour les placer, c'est très difficile, Reynald. Ça, je t'avoue que même moi, je trouve ça difficile parce que d'abord, c'est au niveau de... Parfois, tu te dis, bon, ben, il y en a une qui est en sol, en do, en machin. Tu vois, tu essayes de varier de façon à ce que ça... Ce soit pas un truc qui fasse monotone, tu vois, dans l'idée. Tu essayes de voir une espèce d'harmonie comme un... Comme un petit fil, bravo, un petit fil d'Ariane, un petit fil rouge qui, tu vois, qui fasse que tout d'un coup, tu es surpris. Tu vois le rythme d'une chanson, c'est comme au théâtre. Quand tu es comédien, il faut qu'il y ait du rythme. C'est comme une musique aussi. En fait, ce que tu veux, c'est qu'une chanson embrasse une autre chanson. Oui, c'est très beau, comme tu dis, embrasser. C'est ça, c'est que tout d'un coup, tu es dans un univers, pof, tu tombes dans un autre. Ah ouais. Mais ça, c'est harmonieux. C'est pas comme si tout d'un coup, mais c'est très difficile, je suis d'accord avec toi. Après... tu as aussi une thématique pour un album, souvent. Enfin, moi, je fais comme ça. Et puis après, tu dis, oh mince, je voudrais mettre celle-là. Ouais, mais peut-être on devrait mettre celle-ci plutôt. Ah, tu vois ? Ouais, c'est pas... Mais c'est comme des couleurs. Comme, il faut que ce soit comme un espèce de... D'arc-en-ciel, tu vois, qui te, que tu as envie de regarder, d'écouter, et puis de te réchauffer et d'être... Tout d'un coup, ça a disparu. Tu vois, enfin voilà. Plein ça fait plaisir en plaçant la pastille sur le... Ouais. Mais tes chansons, là, quand tu prépares une chanson, tu es en studio, à quel moment tu dis, OK, là, c'est terminé, là, on arrête de rajouter des instruments, on arrête de faire ci, elle est prête? Parce que ça peut devenir infernal. On peut jamais... Ouais. On peut aussi ne jamais terminer une chanson comme mais ça. Mais tu vois, ce qui est merveilleux avec mon compositeur Éric Guéna, c'est que en fait, c'est drôle parce que... on fait nos albums et puis après on les joue, tu vois, sur scène et puis la chanson elle évolue et ça c'est merveilleux, puis on trouve d'autres, enfin lui, il fait des très très beaux arrangements et donc du coup parfois il a d'autres idées, on a d'autres idées après parce que tu vois la mature il faut une maturation, une chanson, elle vit, elle change. Par exemple, je vais te dire, très bonne question, enfin par exemple dans cet album là, mes pin-up, il y a Farandole. Il se trouve que la première fois quand elle a été composée, Eric l'a composée aussi comme une espèce de valse triste à la Sibelius, un truc bram bram qui trimballe et tout. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on la faisait en live et il avait augmenté le tempo, tu vois. Enfin, il l'avait fait plus rapide et elle fonctionnait mieux. Et puis, on avait un petit peu changé la tonalité pour que je puisse plus envoyer du... Ouais. Elle est très, très grave sur l'album et moi, je suis plus, je peux plus envoyer, tu vois, en scène quand elle est un petit peu montée. Et du coup, elle... Et elle marche très bien en concert. Et on se dit, oh mince, elle n'a pas été comme ça sur la... Eh ben non, c'est pas grave, on en refera un autre. Et puis tu vois, donc il y a aussi tout ça. C'est... Ce qui est merveilleux, c'est une chanson, ça bouge. Mais à un moment donné, tu as raison, Reynald, il faut s'arrêter. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.